qu'Allah me pardonne de faire couler les larmes de ma mère. Du fait qu'à ce jour elle pleure encore mes fautes dans ses prières. Du fait qu'on est des hommes existants dans l'imparfait, parfaitement comblés par des contradictions peu fières. Qui nous pardonnent d'enfreindre les règles, nos obligations 5 fois par jour. Souvent quand on les délaisse, on nous dénigre. La race inférieure parce qu'on est des nègres. Du mal à témoigner ma colère au bout des lèvres, au bout des rêves. Nos actes sont souvent sans précaution. On se met en couple sans faire de halal et sans poser de questions. Oh non, porter la haine hors de question. Que Dieu me pardonne car je sais que certains péchés n'ont pas de caution. Délivrer ce monde, j'essaye. Quand d'autres oublient qu'ici ou ailleurs rien n'est éternel. Non rien alors pourquoi on se déchire pour des gars. On dégorge pour un bout de terre, t'exécute pour un sac d'oseille. Qui nous pardonne l'infidélité à celle qu'on aime. Avec qui je plane dans les airs mais sans avoir d'aile. Celle qui a poussé à mettre au monde mange comme je suis. Tout comme mon paternel. Prends pas exemple sur nous. Crois pas qu'on est juste et droit. Comme toi, on pleure nos contradictions à genoux. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. On sait mais on fait. Que Dieu nous pardonne de l'implorer que quand y'a danger. Et de l'oublier une fois rassasié. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. Yeah. Petite sœur, demande à ton grand frère si c'est bon d'écouter à Londres. Je crache la vie telle qu'elle est, phrase est chaude, tu m'écoutes, tu bronzes. Car je suis un gros déréglé, quartier en déséquilibre. J'arrive même à confondre l'or et le bronze. C'est la Germanie sur les parkings HLM. McLaren veut être plus bonne que BM. Et ça excite les jeunes, ça crée des folies, des délits, des morts. Des soucis, des soumis, des maudits, des torts. On fait toujours du mal à ceux qui nous adorent. L'amour on sait pas le lire, on sait pas le traduire. Ai-je tort d'avouer nos faiblesses aux yeux du monde. C'est ça la contradiction qui font qu'on dit hamdoulin quand on rote le rhum. On connaît plus la honte. L'école nous dit qu'il y a que les bons qui montent. Les plus mauvais n'auront jamais de rang qui rentre. Alors ça croit plus à la magie. Ça prie le vendredi, ça braque la poste le samedi. Devant mon monde, je consomme ma barrette à la seconde. Alors que si je le vois fumer index, je le gonfle. Faut que je guérisse. Qui marche droit sous le whisky. On veut que le mal nous fasse du bien, c'est immonde. Prends pas exemple sur nous. Crois pas qu'on est juste et droit. Comme toi, on pleure nos contradictions à genoux. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. On sait mais on fait. Que Dieu nous pardonne de l'implorer que quand y'a danger. Et de l'oublier une fois rassasié. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. On sait mais on fait. On vit l'époque où les pommes se croquent sans l'aide d'un serpent. Où les hassanats se troquent pour de la drogue ou des sous-vêtements. Pour pécher, les hameçons sont devenus halal. Car ça fait bien longtemps que le ramadan n'empêche plus le haram. On se dit qu'on se repentira plus tard. Mais depuis quand la faucheuse donne les dates de ses rencarts. Des tas de contradictions. Si un de mes textes à soigner, c'est que je suis la preuve qu'un médecin est un mauvais patient. Car comme toi, j'ai fait du mal pour me faire du bien. J'ai fait des choix qui ont nourri mes désirs et laissé mes devoirs crever de faim. J'ai vu ma grande gueule donner des coups à tous ceux qui auront des larmes pour arroser mon cercueil. Je lève les mains vers le ciel que quand il me tombe sur la tête pour une pipe, on jure sur sa mère ou sur la mère. Quand c'est la merde, on rentre vite à la mosquée avec honte. Mais nos bonnes résolutions naissent dans des tombes où j'ai honte. Quand je vois ce que l'Occident a fait de nous. Nos pères étaient des lions, regarde-nous devenir des loups. On entretient nos couilles et laissons pourrir nos cœurs. Et on s'essouffle pour des trucs beaucoup trop gros pour notre cercueil. Prends pas exemple sur nous, crois pas qu'on est juste et droit. Comme toi, on pleure nos contradictions à genoux. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. On sait mais on fait. Que Dieu nous pardonne de l'implorer que quand y'a danger. Et de l'oublier une fois rassasié. On est tous conscients du mal qu'on fait. On sait mais on fait. On sait mais on fait.